Bienvenue à Futur Simple. Et donc, comme François vient de nous l'annoncer, nous allons commencer l'émission avec un sujet assez particulier, une maison en boue. C'est quand même assez intriguant, d'autant plus que si elle a reçu une certification environnementale, effectivement, la boue, c'est peut-être un matériau qui n'est pas trop polluant à produire. Donc, pour nous expliquer tous ces mystères, eh bien, j'invite Geneviève Gay. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Valérie. Comme tu dis, bon, la maison la plus verte du monde, selon le programme American Living Building Challenge, c'est une maison dont les murs porteurs sont en bouette, ou plutôt en torchis. En gadou. Ben, c'est, on dit boue parce que quand on le fait, c'est vraiment une texture de boue, là, c'est tout mou. Donc, c'est un mélange en fait de sable, d'argile et de paille. Donc, ça se trouve en Colombie-Britannique à 15 minutes au nord de Victoria. Puis, elle a été auto-construite en 20 mois par un couple qui rêvait d'un style de vie écologique et d'une maison solaire passive qui minimiserait leur empreinte écologique à l'extrême. Donc, grâce à ses caractéristiques écologiques extraordinaires, elle a remporté en octobre 2010 le titre prestigieux de résidence moderne la plus verte au monde. Donc, cette maison-là s'appelle EcoSense, elle est unique en son genre, comme c'est le cas d'ailleurs pour bon nombre de maisons vertes. Parce que avant de construire une maison verte digne de ce nom, bien, les concepteurs doivent considérer l'environnement dans lequel elle s'insère. Puis comme chaque endroit, chaque terrain est unique, bien, chaque maison va l'être aussi parce que la maison verte va s'adapter à son environnement et non au contraire. Donc, les concepteurs de la maison EcoSense, c'est Anne et Gord Baird, ont étudié l'environnement dans lequel ils allaient construire leur maison afin de causer le moins de dommages possible tout en optimisant l'utilisation des ressources naturelles qui étaient disponibles directement sur place, c'est-à-dire le soleil, l'eau et le sol. Et une fois qu'ils ont que le site est délimité, est-ce que les concepteurs ont choisi les matériaux pour construire la maison, mais pourquoi la boîte? Parce qu'on n'en trouve peut-être pas que là non plus. Non, c'est ça. Ben, une des raisons qu'ils voulaient que tous les matériaux proviennent d'un rayon de 160 km autour de la maison. Ouais. Donc, ça limitait beaucoup le choix. Ils ont presque choisi le bois, mais ils sont tombés à ce moment-là sur des livres, des articles qui vantaient les vertus du torchis. Parce qu'on peut dire, c'est vrai, il y en a du bois chez eux, ils doivent en avoir dans un rayon assez proche autour de chez eux. C'était possible de faire une maison à sature bois. Mais ils sont tombés, comme je disais, sur cette méthode ancestrale-là qui est utilisée en Europe depuis des centaines, sinon des milliers d'années. Puis, ils ont vu des exemples de maisons en torchis qui sont situées en Angleterre, qui est quand même un climat humide, un peu semblable à la Colombie-Britannique, qui sont bicentenaires, qui se portent encore très bien. Donc, le torchis, c'est du sable, de l'argile, de la paille. J'imagine que ces ingrédients, c'est pas par hasard qu'on les a choisis. Il y a une raison. C'est ça. Il y a une raison d'être à ça. Ben, ça ressemble, comme je disais, à de la boîte quand on le mélange, mais c'est aussi résistant que le ciment une fois séché. La composition du torchis, en fait, ça prend du sable pour la résistance à la compression. Le sable ne se déforme pas, donc ça va avoir beaucoup de résistance. Ça prend une quantité égale d'argile en tant que liant, agent de liaison, pour lier les grains de sable entre eux. Ça prend aussi de la poudre de pierre ponce pour l'isolation. On va rajouter de la paille à ça pour la résistance à la traction cette fois-ci. On va tout mélanger ça au rotoculteur en ajoutant juste assez d'eau pour avoir la texture qu'on veut. Puis c'est à ce moment-là qu'on va monter les murs de sa maison à la main, à la truelle, par couches successives. Vous pouvez imaginer, là vous partez, là, vous avez délimité le rond de votre maison, si on veut. Et là, tranquillement, pas vite, vous... couche par couche, vous montez vos murs. Mais est-ce qu'il y a une espèce de moule? Parce que donc moi, je me disais, peut-être on fait des briques, je ne sais pas, puis on pose des briques en torchis. Mais non, c'est vraiment le mur lui-même qui est monté. C'est ça. Il y en a qui vont faire un genre de moule. Ils vont dessiner ou ils vont monter des formes. Des montants en bois, pour délimiter la forme. Mais ce fait que les maisons en torchis, souvent, elles ont des formes très organiques, très en courbe. On peut faire n'importe quoi avec ça. Là, c'est vraiment pas restreint. Donc, ça prend de la patience puis de la conviction à la base, parce que c'est très long. Puis il faut vraiment choisir les journées où on peut... S'il pleut, c'est peut-être pas terrible. C'est ça, exactement. Il faut protéger, il faut attendre. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et quels sont les avantages de ce torchis par rapport aux autres matériaux? Bien, c'est non polluant. C'est peu coûteux, facilement disponible à proximité, quasiment à l'épreuve du feu. C'est très résistant aux moisissures parce que l'humidité passe à travers ces murs. C'est une maison, en fait, qui respire. Donc plus le torchis est un matériau durable, comme je le mentionnais plus avec l'exemple des maisons en Angleterre. Puis c'est même compostable si jamais on décide de détruire la maison à coup de masse. Puis on sépare la paille et puis... Ça se compose, c'est ça. Et est-ce que c'est un bon isolant aussi, thermique? Oui, effectivement, et compte tenu qu'il y a la pierre ponce dedans, qui est un agent isolant. Mais est-ce qu'on a une idée, je ne sais pas en termes de chiffres, par rapport à des murs en briques ou... J'ai pas trouvé la donnée. Okay. Non, je ne l'ai pas cherchée, mais je vais t'avoir la réponse. Okay. Mais j'imagine que si cette maison-là a reçu une haute certification environnementale, il doit y avoir d'autres choses dans la maison. Il n'y a pas juste les murs en torchis. Non, c'est ça. Il y a d'autres caractéristiques écologiques. Bon, tout d'abord, c'est une maison qui est pratiquement autosuffisante en eau et en énergie, qui va consommer au départ 90 % moins d'eau et d'énergie qu'une maison traditionnelle. Donc, le potager adjacent, le toit végétal et quelques poules, apparemment, sont presque suffisants pour que les occupants atteignent l'autonomie alimentaire. Mm-hmm. Le toit, c'est vraisemblablement pratiquement des ovo-végétariens. Là, bon. Mm-hmm. Le toit et le potager sont entièrement irrigués par l'eau de pluie qui est emmagasinée dans une citerne de 38 000 litres. Ils vont récupérer les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui proviennent de la douche, des éviers, de la lessive. Ils vont les filtrer par des verres qui, eux, produisent du compost. Ce compost-là va être utilisé. Mm-hmm. Puis ils vont utiliser cette eau-là pour faire l'irrigation des arbres fruitiers autour de la maison. Puis dans cette maison-là, la consommation d'eau par jour, par personne, est de 40 litres, alors que la moyenne en Colombie-Britannique est de 490. Oui, c'est assez, effectivement, c'est pas beaucoup, 40 litres. Il y a combien de personnes, d'ailleurs, qui vivent dans cette maison? Il y a les deux adultes, le couple, mm-hmm. leurs deux enfants, et les parents de Anne, qui leur ont aménagé un appendice là, à l'arrière de la maison. Ça fait 5 personnes, ça? Ça fait 6 personnes. 6 personnes, 40 litres par jour, à eux 6? C'est ça, non, 40 litres par jour par personne. Ah, OK. Donc, 240 litres par personne. Ils ont une toilette sèche, par exemple. Oui, ils ont des toilettes sèches, c'est ça. Donc, c'est comme tu dis exactement, ils ont une douche, ils n'ont pas de bain pour minimiser une douche avec des pommeaux, un pommeau adapté, etc. Mm-hmm. Une toilette sèche dans chaque unité d'habitation. Donc, ces toilettes-là vont produire un compost qui est sécuritaire pour le potager après 2 ans de maturation. Il y a des mm-hmm. informations sur Internet à ce propos-là pour ce type de toilettes-là. Dans la cuisine, il y a un seul appareil électrique, c'est le frigo. La cuisinière, elle est au propane. Puis, toute l'électricité de la maison est produite par un système solaire photovoltaïque d'une puissance nominale de 2 kW. Alors, ça correspond à quoi, ça, 2 kW? 2000 watts, c'est-à-dire un toaster avec une bouilloire. C'est vraiment pas grand-chose, c'est ça. Ça signifie, puis ça, c'est quand le système est à son niveau de performance maximal. Okay. Donc, il peut produire 2 kW. OK, mais là, s'il ne fait pas soleil, c'est peut-être moins, probablement. C'est ça, mais ils ont, ce qu'ils disent pas dans l'article que j'ai lu, mais que j'ai lu plus loin, c'est qu'ils ont quand même une source d'énergie d'appoint, là. Ah, okay. Au réseau, justement, dans les cas de grande demande. Donc. Ils ont probablement un accumulateur aussi, j'imagine, là, qui a quand même une surplus d'énergie, OK. Mais pour donner une idée, en 2008, les autres, ils ont 12 panneaux, ça a produit 2154 kWh, soit l'équivalent d'environ 170 dollars d'électricité hydro-québécoise. Ça, c'est pour un an, là. Mm-hmm. Oui, en un an. Et moi, ça me coûte à peu près 100 dollars par mois. Là. C'est un peu comparatif. Oui, ouais. C'est ça. C'est vraiment pas beaucoup, sauf que, cette famille-là va consommer moins que ça. En plus. Ce qui fait qu'ils ont revendu leur surplus. Ah oui? C'est pas grand-chose, c'est quelque chose que de 300 kWh, là, mais tu sais, ils font. C'est correct. Juste pour dire à quel point on vit là aussi. C'est impressionnant. C'est ça. La maison, à part ça, là, dans d'autres caractéristiques, on va continuer. La maison, solaire passive, c'est-à-dire que toutes ses fenêtres sauf une sont orientées vers le sud. Le chauffe-eau, les planchers radiants à l'eau sont chauffés par 60 capteurs solaires thermiques. Ouais. Ils ont pensé à pas mal de choses. Oui, vraiment. Il y a un petit extra non négligeable qu'on devrait probablement tous appliqués chez nous quand on en apprend de plus en plus sur les ondes électromagnétiques, c'est que tous les appareils dans leur maison sont sans fil. Puis ils ont aussi installé un interrupteur central qui met la maison hors tension la nuit afin d'éliminer les charges fantômes. Faut que tu nous dises ce que c'est les charges fantômes. Ouais, j'ai déjà entendu ça à propos pour les vaches, par exemple. Hein? Les charges fantômes? Non, pour les vaches? Oui. Non, bon, c'est peut-être pas la même chose. Ça concerne les appareils électriques. Ouais. c'est drôle. Une charge fantôme, c'est ce que consomment les appareils électriques qui sont dotés d'un transformateur, même quand ils ne sont pas utilisés, comme les téléviseurs, les consoles de jeux vidéo, les chargeurs de batterie, les lecteurs DVD. C'est des grands gaspilleurs d'électricité, même quand ils sont éteints. Ouais. Donc, en mettant un interrupteur central, en mettant toute la maison à off, on élimine les charges fantômes. Mm-hmm. Concernant les ondes électromagnétiques, Geneviève, il me semble que même l'électricité qui passe dans un fil en dégage aussi. La preuve, les lignes de tension d'Hydro-Québec. Absolument. Alors, je ne sais pas si ça fait une énorme différence, là, peut-être, d'avoir des appareils... C'est quantifiable, là. Oui, vraiment. Puis même je lisais, là, en écrivant ça, il y a des locataires en Europe, étant donné que c'est plus cher, beaucoup l'énergie là-bas, mais ils poursuivent leur propriétaire qui leur charge l'électricité, justement, parce qu'ils refusent d'installer de ce type d'interrupteur-là. Parce qu'il paie finalement pour les charges fantômes. OK. Non, mais moi, je te parlais des champs électromagnétiques, là, en fait. Là, tu disais qu'il y avait des appareils sans, avec fil pour éviter ça. Mais même quand tu as un fil électrique, il y a du courant qui passe dedans, tu as aussi un champ magnétique. Là. Oui, Et à preuve de ça, mais c'est les lignes de tension d'Hydro-Québec qui dégagent aussi des champs. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment... En fait, si ça vaut vraiment la peine d'avoir un appareil sans fil, là, ou en fait, ça serait à voir. C'est la quantité. Un appareil sans fil, on en émet beaucoup plus. Oui, peut-être. Oui, je pense. Ou plus proche du cerveau, en fait, bref. Okay. Et puis, bon, j'imagine que c'est donc avec toutes ces caractéristiques que la maison, finalement, est considérée comme la plus verte au monde par Living Building Challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce programme? C'est la première fois que j'en entends. On entend parler du LEED, la certification LEED, mais je n'ai jamais entendu parler de celui-ci. Ben, c'est ça. Living Building Challenge, c'est un peu là, dans la lignée des certifications LEED, des certifications là, des bâtiments écologiques, tout ça, sauf que c'est vraiment beaucoup plus extrême. Là. En français, bon, on l'a traduit par le défi des bâtiments vivants. C'est vraiment une coche au-dessus des autres programme de certification vert, là, comme justement la certification LEED. Bon, c'est un programme qui est extrêmement sévère parce qu'il permet aucun compromis, comme le permet la certification LEED, là, comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Donc, il se base sur le principe du biomimétisme. Autrement dit, il faut imiter la nature et le vivant pour en arriver à faire des réalisations humaines plus performantes. On parle plus bâtiment vert, on parle vraiment de bâtiment vivant. Donc, il est opéré également par le Conseil du bâtiment durable du Canada depuis novembre 2009. Son objectif, ben, c'est de créer à la fois des bâtiments et des communautés qui vont permettre de, et là je cite Jason McLennan, le président, de guérir nos écosystèmes et de créer un avenir où nous pourrons nous épanouir. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très poussé là, comme philosophie. Là. Pour certifier, bon, il faut respecter les 6 critères du programme, où on appelle, les autres, ils appellent ça des pétales, puis quand tu les as tous, ben, ça fait une belle fleur. Donc, ça concerne le site, l'eau, la santé, la beauté, l'énergie, les matériaux. Puis, une des caractéristiques qui distingue ce programme de certification-là des autres, c'est qu'un bâtiment n'est pas certifié ponctuellement à un moment donné dans l'année. C'est qu'il faut qu'il ait été occupé pendant un an. Donc, les performances peuvent être évaluées sur 4 saisons. Sinon, les performances d'une maison vont changer selon les saisons. Donc, ça, c'est vraiment, selon moi, ça, c'est un avantage, un gros avantage. Puis, c'est qu'on voit effectivement ce que les occupants ont fait de leur habitation, parce que c'est pas le cas avec LEED. Il reçoit son évaluation avant l'occupation par les habitants. Ouais. C'est ça. C'est très ponctuel. Ouais. Ça peut être probablement que l'évaluation varierait selon la saison. Donc, c'est ça. Ce qui fait que, la maison EcoSens, elle n'a pas obtenu la classification bâtiment vivant parce qu'elle a utilisé à un endroit dans la maison un matériau importé. Ils doivent le regretter aujourd'hui. C'est du bambou tressé pour le plafond. Ouais. Puis, on utilise la combustion pour la cuisson au propane puis un chauffage d'appoint au bois aussi, ce qui est interdit par le programme. Okay. Donc, comme le programme admet aucun compromis, les résidences, compte tenu de ça, on va avoir toujours des difficultés de certifier le bâtiment vivant. Et pourtant, c'est quand même moins dommageable que brûler du bois, par exemple, parce que c'est très polluant, ça, brûler du bois. Oui, mais eux, ils utilisent le poêle le plus performant, le plus bon. Énergétiquement, C'est ça. Quand même, il s'est interdit la combustion dans une maison selon ce programme-là. D'accord. Bon, c'est un programme qui est tout neuf. Fait que j'imagine qu'ils vont créer un volet résidence afin de tenir compte de ce fait-là. Mm. Puis, certains détracteurs vont juger le programme trop intransigeant pour être réalisable à vaste échelle, mais les promoteurs, eux autres, le jugent avant-gardiste. Quoi qu'il en soit, la base de ce programme-là est censée être tout à fait logique. Les bâtiments doivent s'adapter à leur environnement. Et non, le contraire. Oui, c'est un fait. Merci Geneviève. En tout cas, ça montre aussi que, parce que souvent, quand on parle de bâtiments durables, maisons durables, il y a de la géothermie, il y a tout un tas de trucs, mais finalement, là, ça montre que ce n'est pas forcément avec la haute technologie, des fois, qu'on va chercher les certifications. Exactement. C'est un aspect assez intéressant, je trouve. Merci beaucoup, Geneviève. Avec plaisir. Alors, on fait une pause musicale sur CKRL au 89,1. Ensuite, on vous revient avec on reste dans l'environnement, on va voir comment on fait pour décontaminer les sols.